Mais voici qu'à leur tour, les princes et les rois envoient des messagers au solitaire. Car son conseil est tout puissant parmi les Suisses. Le roi de France et l'archiduc d'Autriche quêtent l'alliance des confédérés. Chacun dépêche à Nicolas son messager. Et le peuple est inquiet devant la tentation. Ainsi les affaires du monde, des plus humbles jusqu'aux plus grandes, vont retentir dans ta pure solitude. Ô toi qui fuis le monde pour trouver la seule chose nécessaire. Et voici qu'au jour du danger, tout ton peuple se tourne vers toi pour t'écouter.